إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنرى في هذه الليلة المباركة كتابا يسيرا لكن فيه فوائد كثيرة وهو بعنوان فرص كسب الثواب. Donc nous allons voir dans cette soirée bénite, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on verra, donc on va discuter, on va citer, mentionner quelques récits prophétiques et aussi quelques versets du Saint-Coran sur les opportunités d'entrer au paradis. Awalan, fardu wa adimu thawabi tawhidi wa ma yukaffiru min al-dhunub. Premièrement, les valeurs et l'énorme récompense de l'unicité et de ce qu'elle expie comme péché. Faqala ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Sourate al-An'am verset 82. Donc il dit subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont cru et qui n'ont pas vêtu leur foi d'injustice, ceux-là auront la sécurité et ils seront guidés. وَالظُّلْمُ هُوَ الشِّرْكِ كَمَا صَحَا عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُخَارِي. Donc on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité la croyance, donc le fait de croire, et la croyance c'est justement l'acte qui sera pieux, c'est l'acte qui va être pieux, il va être déterminé par l'acte qui est pieux, et aussi en croyant, ils n'auront pas revêtu donc cette croyance, ces actes, par le polythéisme, par le shirk. Donc du fait qu'ils vont croire en Allah subhanahu wa ta'ala, première condition, et aussi du fait qu'ils ne vont pas associer en Allah en quoi que ce soit, dans leur adoration, ils auront comme résultat la sécurité et aussi la guidée. فَقَالَ مُعَاذْ رَجَلْ عَنْهُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ هل تدري حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم فقال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا الحديث رواه البخاري ومسلم. Et un hadith qui est connu aussi, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec Mu'adh, un des grands compagnons, Mu'adh. Et il lui dit, ô Mu'adh, sais-tu qu'est-ce qu'est le droit d'Allah envers ses serviteurs? Et qu'est-ce que le droit du serviteur envers Allah? Il dit, Allah et son envoyé sont plus au courant, sont plus savants. Et il dit, certes, le droit d'Allah envers ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et qu'il ne l'associe en rien. Et le droit, wa alaykoum salam wa rahmatullah, et le droit des serviteurs envers Allah, c'est qu'il ne les châtie pas s'il ne l'associe en rien. Il dit, ô envoyé d'Allah, est-ce que j'annonce donc cette parole, ou est-ce que j'annonce cela aux gens? Il dit non, ne leur annonce pas afin qu'ils demeurent, afin qu'ils cessent de vrai. Afin qu'il y ait taqilou, c'est le fait de cesser de vrai. Les hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Donc là, on est toujours dans le fait que la relation entre ce qu'on lit comme texte et le fait d'entrer au paradis, bien sûr, c'est-à-dire c'est le fait de rentrer au paradis avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de rentrer. Donc bien sûr, ce qui est plus important dans ce point, c'est justement le tawhid. Si Cheikh Hafizullah a commencé justement à parler du tawhid et de l'unicité, c'est parce que justement c'est le point le plus important. Le fait que la personne dans ses adorations ne va pas associer en Allah en quoi que ce soit, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire entrer au paradis et bien sûr l'interdira d'entrer en enfer. Fayattakilu, donc, lorsqu'il dit Fayattakilu, c'est-à-dire que les gens vont commencer à moins œuvrer, pas cesser d'œuvrer, parce que c'est pas possible d'entrer au paradis en cessant d'œuvrer. Parce que le tawhid et le fait de ne pas associer en Allah en quoi que ce soit, c'est quoi? C'est dans les actes, donc c'est dans son adoration. Donc c'est pour ça que ça ne veut pas dire, comme certains pourraient comprendre, que ça veut dire que les gens vont totalement cesser d'œuvrer. Parce que s'ils cessent d'œuvrer, donc ils n'ont pas rapport avec justement cette adoration, c'est-à-dire avec le fait que est-ce qu'ils vont faire l'adoration comme il le faut ou pas, par rapport à l'unicité, par rapport au shirk. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, « Man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna isa abdullah ibn amatihi wa kalimatuhu alqaha illa maryam wa ruhum minhu, wa anna aljannata haq, wa anna annar haq, adkhalahu Allah min ay abwab aljanna althamaniya sha. » Le hadith rawa wa muslim. Donc il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prononce, donc, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna isa ibn abdullah ibn amatihi wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum minhu, wa anna aljanna haq, wa anna annar haq, adkhalahu Allah min ayy. Allah lui fera entrer par n'importe quelle porte du paradis, des huit portes du paradis qu'il veut. Donc, ça veut dire que on voit qu'il y a toujours, par rapport à cela, donc la parole de l'unicité. On retrouve, par rapport à cela, la parole de l'unicité. D'où le bienfait du tawhid et aussi, bien sûr, le danger du shirk, le danger de l'association. Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, est l'envoyé d'Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est l'envoyé, c'est son serviteur. Donc ça, c'est le caractéristique qui est le plus important. Le caractéristique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus important, c'est parce qu'il est son serviteur. C'est ce qu'il y a de plus important. Avant qu'il soit envoyé. Et ça, c'est le plus important. Et il est après son envoyé. Et bien sûr que Isa, donc c'est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va retrouver dans cela une réponse aux chrétiens. Une réponse à ceux qui disent que Isa est le fils de Dieu, ou il est Dieu lui-même. Et qu'il est donc le fils de sa mère. Et bien sûr, il y a une parole dont Allah a insufflé dans Maryam. Et c'est aussi donc cette âme. Et que le paradis est véridique. L'enfer est véridique, parce qu'il y a parmi des gens qui se disent musulmans qui renient donc le fait de dire que le paradis existe ou l'enfer existe. Allah lui fera entrer au paradis par n'importe quelle porte. C'est-à-dire il va entrer au paradis par n'importe quelle des huit portes. On voit qu'on peut rentrer au paradis par le fait de jeûner beaucoup, pour entrer par la porte de Rayyan. Donc là on a une porte. Mais tandis que Kalimatul Tawhid, elle est plus importante, et elle est tellement plus importante que c'est par n'importe quelle porte. C'est par n'importe quelle porte. وَفِي رِوَيَا وَفِرِيَةُ مُسْلِمْ أَيْدًا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. Donc il dit, dans une variante de Muslim, on retrouve dans une autre version, Allah le fera entrer au paradis selon ses actes, selon ce qu'il a commis comme acte. Donc là on retrouve une condition. Ala makana min amel. Donc selon l'acte qu'il aura commis. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle va shahed, la personne lorsqu'elle va attester, elle ne doit pas oublier que cette attestation a quoi? Donc c'est comme une clé. Une clé, elle a des dents. Donc on sait que les clés ont des dents. Et les dents de cette shahada, donc c'est les conditions. Donc ce sont justement les conditions, les sept conditions qui sont connues. Et lorsqu'on dit Mohammed à Rasulullah, par rapport à cela, c'est qu'on reconnaisse. C'est-à-dire qu'on doit suivre, lorsqu'on dit Mohammed al-Rasoul, c'est-à-dire qu'on va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait et aussi comment, bien sûr, il croit. Et de reconnaître tout ce qui est aussi comme on retrouve dans ce hadith auparavant. Donc, à la makana min amel. Donc, il entrera bien sûr au paradis selon bien sûr ce qu'il a œuvré comme acte. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont dire cette parole sincèrement, qui vont dire cette parole sincèrement, ne vont pas œuvrer comme il le faut. Donc, il y aura un manquement. Ils vont le dire, donc elle ne sera pas, c'est-à-dire avec, elle ne sera pas complète, elle ne va pas être comprise complètement, elle ne va pas être dite complètement, et la personne pourrait, bien sûr, rentrer en enfer, et après peut-être, c'est-à-dire se sortir de l'enfer, parce que le fait qu'il soit croyant, il rentre au paradis, même s'il n'est pas au paradis directement. Wa al-Bukhari wa Muslim min hadith Itban anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajh Allah. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans une version de Muslim al-Bukhari, certes Allah a interdit au feu celui qui dit la ilaha illallah espérant ou désirant de cela la face d'Allah. Donc là on a quoi? On a justement, donc le qasd, il faut à ce moment-là le niya. On va retrouver ici le qasd. On va retrouver une des conditions justement. Donc ça c'est une preuve parmi les sept conditions de la ilaha illallah. Et il dit aussi, donc Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah ta'ala dit donc dans le hadith qui est Qudsi, Ya ibn Adam, innaka law ataytani bi qurab al-ard khataya thumma laqaytani la tushrik bi shay'a la ataytuka bi qurabiha maghfira. Le hadith rapporté par Tirmidhi wa Sahahu al-Albani rahmatullah alayhim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qui est Al-Qudusi, au fils d'Adam, donc si tu venais avec l'équivalent de la terre comme péché, comme erreur, puis tu me rencontres alors que tu ne m'as pas associé en quoi que ce soit, je viendrai donc vers toi avec autant, c'est-à-dire en pardon. Donc je viendrai avec le même en pardon. Comme quoi celui qui, c'est-à-dire le tawhid, l'unicité, c'est donc bien sûr ce qui est de meilleur pour effacer, expier les péchés. L'unicité, c'est ce qui est de meilleur pour effacer et expier les péchés. Donc on a vu par rapport à ce qui est de l'unicité. Et on retrouve un point qui passe juste après l'importance et la valeur de l'unicité, c'est Birrul Walidain, l'obéissance aux parents. L'obéissance aux parents. Donc lorsqu'on parle de, lorsqu'on voit donc dans certains livres, et même lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle dans certains versets, il cite, après avoir demandé de ne pas de l'adorer seul ou de ne pas l'associer en quoi que ce soit, il cite l'obéissance aux parents. Et on retrouve parmi cela, donc parmi les livres, Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari. Donc il va citer le meilleur adab que la personne ait pu savoir. Le meilleur adab que la personne ait pu savoir, c'est justement le fait d'obéir aux parents. Il n'y a pas plus lourd que cela. Il n'y a pas plus lourd que cela dans ce qui est hukuk al-nas, par rapport aux droits des personnes. C'est justement l'obéissance aux parents. Donc il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Nisa, verset 36, « Wa bil walidain ihsana » et de la bonté envers les parents, de la bonté envers les parents. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam rahima anfu, rahima anfu, il dit thumma rahima anfu, thumma rahima anfu. Qila man ya rasulallah, qala man adraka abawayhi inda al-kibari in ahaduhuma aw kilahima ahadihima aw kilahima falam yadkhul al-jannah. Al hadith rawahu Muslim. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc que la poussière soit sur son nez, que la poussière soit sur son nez, que la poussière soit sur le nez. Donc c'est-à-dire sur le nez. Le fait d'avoir, et ça c'est justement un signe de honte. C'est un signe de honte chez les Arabes, même avant l'islam. Que si la personne voyait qu'il y avait un malheur qui arrivait, quelque chose qui les affligeait, donc il prenait de la terre et le mettait sur le nez pour montrer qu'il y a quelque chose de grave. Et les gens venaient vers lui pour comprendre ce qui se passait. Et on dit, qui ou envoyé d'Allah, il dit celui qui a donc connu ses parents alors qu'ils sont, âgés. Donc il connaît ses parents alors que ses parents sont âgés, ou l'un d'entre eux, bien sûr, l'un d'entre eux ou les deux, et puis n'entre pas au paradis. Donc comment il fait pour ne pas entrer au paradis? C'est parce que, il ne s'occupe pas d'eux. C'est parce qu'il va désobéir. À ce moment-là, lorsque les parents sont arrivés à un âge, à un certain âge, ils ont besoin de toi, comme toi tu avais besoin d'eux lorsque tu étais petit. Donc tu dois leur faire miséricorde dans leur vieillesse, comme eux te font miséricorde dans ta jeunesse, c'est-à-dire dans ta petite enfance. Tu ne pouvais pas faire ceci, tu ne pouvais pas faire cela. Et n'oublions pas que, ouf, hein, que ce geste-là, ouf, déjà, ouf, c'est un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. le fait de dire hein, wala taqullahuma uffin, le fait de dire ne leur dis pas ouf, c'est-à-dire ne laisse tu ne va pas le faire. Donc il faut faire attention bien sûr par rapport à cela. Donc il faut obéir aux parents et ne pas désobéir. Et c'est une honte. Donc c'est pour ça qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam rarima anfu. Rarima anfu. Donc il dit trois fois de suite. C'est-à-dire la poussière soit sur ton nez dans le sens où c'est une grande honte. C'est même un avilissement. Donc c'est dhulla. C'est un avilissement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne elle sera mal vue. Elle ne fera pas partie des personnes qui seront bien vues auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les preuves, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité donc les envoyés en disant qu'ils étaient baran biwalidayhi. Donc les envoyés, comme Isa, il dit baran biwalidayhi. Donc il était obéissant envers ses parents, hein, envers biwalidati, envers sa mère ou bien d'autres prophètes, envers leurs parents. Ils sont obéissants. Comme Isa, il dit walam yakun shaqiyan. Jabbaran Shakriya. Il dit Walam Yakun, Jabbaran Shakriya. Donc il n'était pas donc, injuste ou bien tyran Shakriya. Parce que celui qui désobéit aux parents, c'est parce que c'est un tyran. Il est considéré, il est comparé à un tyran et à quelqu'un de malheureux. Parce que là, le malheur vient tout de suite. Le malheur du fait de désobéir aux parents va être, bien sûr, il va descendre tout de suite sur la personne. Donc non seulement il sera considéré comme un Jabbar, donc le Jabbar le tyran, et aussi comme un Shakri. Et certains ulama disent que le Jabbar c'est celui qui a tué deux personnes. Lorsqu'on parle d'un gouverneur Jabbar, lorsqu'il y avait des gouverneurs qui étaient tyrans, on dit que, donc certains éléments ont dit que le Jabbar c'est celui qui a tué deux personnes. Pourquoi deux? Parce que une, ça se pourrait que c'est par erreur. Mais deux, ça devient une habitude. Une, il pourrait avoir une erreur, il pourrait avoir un taouba derrière ça. Mais deux, à ce moment-là, ça commence à être un goût. Il y a un goût derrière, il commence à avoir une habitude. Donc c'est aussi hawan, bien sûr, un avilissement par rapport à cela. Et puis aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dit le hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans. La yazdi waladu walidan illa an yajidahu mamloukan fayashtariyahu fayartiqahu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc personne ne sera quitte, donc aucun enfant sera quitte envers son parent, que s'il trouve son parent esclave, et bien sûr l'affranchit. Donc la seule façon pour que tu puisses arriver au niveau où tu ne devras plus rien à tes parents, donc pour l'instant tu n'es pas quitte, tant que tu ne les auras pas affranchis, maintenant s'ils étaient esclaves. C'est la seule façon de pouvoir arriver au niveau. Sachez qu'il y a quelqu'un qui portait sa mère, qui était venu du Yémen, donc il portait sa mère sur lui pour faire le hajj, il venait du Yémen, et la prenait sur lui. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que, donc je fais le hajj en portant ma mère, est-ce que cela me sera, c'est-à-dire compté comme si j'aurais été quitte? Il a dit non. Il a dit non. Donc on voit que même si tu l'as porté sur ton dos et que tu partais avec Mecca, hein, que tu fais le hajj sur ton dos, et ceux qui connaissent le hajj, ils savent comment c'est, ils connaissent la difficulté de hajj, même en étant jeune, sans avoir pourtant quoi que ce soit sur toi, alors imaginez-vous un peu que même cela n'est pas encore suffisant. D'où justement toujours l'importance des parents. Et à la suite de cela, parmi toujours les hukouk, parmi les choses les plus importantes, et tout cela va permettre en fin de compte à la personne d'entrer au paradis. Alors on est toujours avec les versets qui vont justement entrer au paradis, ou bien ceux qui vont venir gêner et qui vont empêcher les gens d'entrer au paradis. Fadl ujub satr rahim. Il dit aussi, donc il y a un titre ici qui est donc les bienfaits et l'obligation de garder les liens de parenté, de garder les liens de famille, les liens familiaux. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah khalaqa al-khalq hatta idha faragha minhum qala na qala afwan qamat rahim fa qalat hada ma qam al-a'idh bika min al-qati'a qala na'am ama tardina an asila min wasalak wa aqta'a min qata'ak qalat bala qala bidhalika lak thumma qala sallallahu alayhi wa sallam iqra'u in shi'tum fahal a'saytum in tawallaytum أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والحديث رواه مسلم. Donc toujours par rapport à l'obligation de garder les liens de parenté, donc de garder les liens familiaux. Là en ce moment-là, on va parler des oncles, des tantes, des grands-parents, il a khiri, ceux qui se perdent, spécialement pour ceux qui habitent et qui viennent vivre en Europe, ils perdent facilement justement cela. C'est mon cousin, c'est ma cousine, mais il n'y a pas, on va dire, de liens qui sont assez forts. Alors qu'on sait que les tantes sont du niveau de la mère, parce que ce sont leurs sœurs, et les oncles, ou c'est-à-dire les oncles paternels, sont du niveau du père. Sont du niveau du père. La preuve en cela, c'est que lorsque, par rapport au mariage, si une personne n'avait pas de frère, elle n'avait pas de père comme tuteur, donc la femme qui n'a pas de père comme tuteur, cela revient au père, cela revient au frère. Mais si le frère, s'il n'y avait pas de frère comme tuteur, cela revient à qui? À l'oncle, au frère de qui? Donc du père. Et c'est aussi toujours par rapport à l'importance du frère, donc du père, toujours par rapport à cela, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, et qu'on demandait à quelqu'un donc de faire doa par rapport à sa testesra, on revenait à qui? Hein, Al-Abbas, Ame, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On revenait à qui? À la personne la plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas été voir, pourtant il y avait Abu Bakr Siddiq, et c'est dans le hadith, donc c'est Omar qui cite ce hadith, et Omar donc, il était là, Abu Bakr était là, Omar était là, ils ne sont pas revenus aux personnes qui étaient les plus importantes de l'islam, mais ils sont revenus aux personnes qui étaient les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'islam, qui était en plus Amin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc qui est l'Abbas, d'où encore une fois l'importance de quoi? Du Am, donc du frère du père. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah donc, a créé cette création, la création, jusqu'à ce que lorsqu'il a terminé cela, donc Rahim, donc la parenté, donc on voit que dedans il y a Rahim, donc il y a la Rahma, parce que justement c'est demander la miséricorde envers les gens, c'est un lien, Rahim, qui sont donc les liens de parenté et Rahma, la miséricorde, donc ça, on voit que c'est la même racine, c'est justement parce qu'il y a un lien. Il faut être très miséricordieux envers la famille. Donc cette parenté s'est levée et a dit, a demandé à Allah, donc ça, c'est l'endroit de ce qui va demander protection auprès de toi contre justement le fait de, donc le Rahim, c'est, elle demande protection contre ce qui va justement rompre, le fait de rompre les liens de la parenté. Il dit oui, Allah subhanahu wa ta'ala dit oui. N'agrées-tu pas, Allah lui dit donc parenté, n'agrées-tu pas que je joigne ou que je garde les liens avec ceux qui te gardent les liens et que je rompe les liens avec ceux qui rompent les liens. Donc celui qui va rompre les liens de parenté n'aura pas justement Allah comme allié. Il va perdre l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui n'a pas Allah comme allié, donc n'a pas d'allié sûr. Il va avoir Shaitan qui va prendre sur cette place-là comme allié. Donc il va prendre tout ce qui sera en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala comme allié. Et ça, bien sûr, c'est la chose qui puisse être la pire justement pour celui qui est croyant. Donc c'est pas, donc on voit l'importance de ce sujet. Et il dit après, sallallahu alayhi wa sallam, donc lisez si vous voulez. Donc, auriez-vous péché si vous vous retournez, c'est-à-dire si vous vous détournez et que vous commettez la turpitude sur cette terre et que vous rompiez les liens de parenté. Rompiez les liens de parenté. Donc là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu très bien dire un tufsidu fil ard, le fait de commettre la turpitude, le désordre sur cette terre. C'était suffisant. Ça, c'est ce qui est an, général. Et après, il dit, subhanahu wa ta'ala, wa tuqatti'u arhamakum, et que vous rompiez les liens de parenté. Ça, c'est ce qu'on appelle al-khas. Ça, donc, c'est un sujet qui est bien spécifique, bien précis. Normalement, il entre dans ce qui est général. C'était suffisant de dire, donc, le fait de dire, un tufsidu fil ard, que vous allez, donc, c'est-à-dire semer la corruption sur cette terre. On appelle ça dès que le khas, ba'd al-am en arabe, pour montrer l'importance, pour montrer justement l'importance du khas, comme tanazalul malaika wa ruh, comme le fait que les anges descendent avec ruh. Ruh, c'est Jibril. Allah, il a cité les malaika, c'était suffisant pourtant, parce que Jibril fait partie des malaika. Mais il a cité Jibril pour montrer l'importance de Jibril. Donc lorsqu'on parle d'un sujet où il y a quelque chose, un mot qui est général, et juste après un mot qui est précis, et que alors ce mot, le mot général, c'est-à-dire le mot précis entre dans le mot général, c'est pour montrer justement l'importance de ce mot qui est précis. C'est pour dire que parmi les choses les plus graves, donc parmi les corruptions les plus graves de la terre, c'est justement le fait de quoi? De rompre les liens de parenté. Ça commence comme ça, parce que si tu as rompu les liens de parenté, comment vas-tu être avec ceux qui sont autres que tes parents? Donc justement la corruption, elle va être encore bien plus forte. Et ceux-là sont ceux dont Allah a donc ceux qu'Allah a maudit, ce sont ceux dont Allah a maudit, les a rendus muets et aussi bien sûr aveugles. Donc il a fait que ces gens-là ne voient pas, dans le sens où ils n'entendent pas. Et le fait d'être muet aussi, donc c'est divisé en trois. muet, donc le fait d'être muet, en islam, c'est divisé en trois. Donc la première catégorie, c'est le fait donc de ne pas entendre, de ne rien entendre. C'est-à-dire comme, ou bien le fait de ne pas d'entendre, c'est le fait d'entendre en vérité que du son plutôt. C'est que du son. Donc, c'est comparé à quoi? Un animal qui entend un son, mais qui quoi? Qui ne peut pas. C'est-à-dire qu'il entend un son, mais en vérité, il n'y a pas d'istijaba, il n'y a pas de réponse. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. La deuxième catégorie de, toujours de, du fait d'entendre, c'est le fait d'entendre et de ne pas comprendre. Il va entendre, mais il ne va pas faire l'istijaba qui sera normal. Il ne va pas. Taqaddamou, avancer. Il n'y a pas de problème, avancer, inchallah. Et il va donc ne pas comprendre comme il le faut. Et la troisième catégorie de cette entente, c'est celle qui est demandée chez le musulman. Donc il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle. Donc l'entente, on appelle ça Sama. Al-Mufahama. Donc le fait qu'on aura compris. Donc c'est un Sama. On entend et on comprend, on raisonne ce que ce message veut dire. Et aussi Al-Istijab. Et aussi donc la réponse. Le fait de quoi? De donc de d'accepter. On va répondre, on va accepter. C'est-à-dire celui qui va entendre la parole d'Allah dans le fait de dire qu'il faut faire la prière, mathalan, la personne va comprendre cela et va aussi répondre. Donc ça c'est celle-là qu'il faut, c'est celle qui est demandée chez les gens. Tandis que là, Allah subhanahu wa ta'ala montre que ces gens-là, justement, ils entendent, mais ils ne répondent pas. Et aussi, ils ne voient pas, même s'ils ont une vue. Ils ne voient pas dans le sens où ils ne raisonnent pas, parce que l'ouïe et l'œil sont les ni'amas les plus importantes, ce sont justement les bases les plus importantes qui sont celles qui ont un lien direct avec le cœur. Elles ont un lien direct avec le cœur. Parce qu'Allah, il parle justement par rapport au aql, on voit qu'il cite souvent la liaison, donc une liaison avec le cœur, avec l'ouïe et avec la vue. Avec la vue, même si la personne était aveugle. Même si la personne était aveugle. Il y a des gens qui sont aveugles, mais qui sont clairvoyants. Ce sont des grands savants. D'où l'importance. Et aussi, d'où l'importance toujours du visage. D'où l'importance qu'on dit, mais on ne va pas dire à quelqu'un, ta main, il a un visage munawwar. On ne dit pas, il a un pied munawwar. On ne dit pas, il a une main munawwara. Dans le sens où la personne, la chose la plus importante, c'est-à-dire le membre le plus honorable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le membre le plus respecté et honorable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement son visage. Parce qu'il y a justement ses yeux, l'œil, donc les yeux et aussi les oreilles, le fait d'entendre et le fait de voir. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, « Layatrul janna qati'ur rahim » Donc, pas au paradis, celui qui rompt les liens de parenté. Donc là aussi, alhamdoulilah, donc on retrouve souvent, dans l'islam qui est complet, justement, une affirmation de quelque chose, on va toujours trouver un texte qui va pouvoir montrer le contraire. On retrouve souvent ça. Donc là, on a une affirmation comme quoi il faut obéir aux parents, et on a aussi une affirmation comme quoi il faut bien sûr ne pas faire le contraire, c'est-à-dire désobéir et rompre les liens de parenté. Là, c'est juste rompre les liens de parenté. Donc comment on garde les liens de parenté? On va garder les liens de parenté, maintenant, si on habite près de chez eux, donc d'aller les visiter, d'aller les voir et de les aider, maintenant, de faire les courses pour eux, et si cela, maintenant, si la personne elle serait déjà mariée. Si la personne vit chez eux à ce moment-là, elle sait ce qu'elle doit faire. C'est elle qui va essayer justement de leur faciliter la tâche pour les aider dans toutes les œuvres qu'il y a à faire dans la maison, même les courses et la chérie. Et après, ce qui concerne les femmes, toujours par rapport à ce qui est connu, plus par rapport au ménage, par rapport à la nourriture et tout ça, par rapport au fait d'aider la mère en cuisine, et ceci et cela. Et tandis que si la personne est loin, donc qu'elle fasse même par téléphone, par courrier, par téléphone. Donc le fait qu'il y ait toujours un lien, que le lien existe. Donc la personne, elle peut très bien habiter loin, ça arrive souvent, mais la personne en ce moment-là, elle garde des liens par une visite de temps en temps. Même si la personne est aux impies musulmans et qu'elle avait décidé de faire la hijra mathalane et que les parents vivent les impies mécréants, il est permis de temps en temps de venir leur en visite, justement parce que ça, on sait très bien que les parents sont accrochés et très attachés aux enfants, et ils peuvent, donc les enfants, venir voir les parents. Il ne faut pas qu'ils tombent justement dans l'excès de dire « moi j'ai fait la hijra, je ne reviens plus du tout, même si c'est pour visiter mes parents. » En ce moment-là, on parle de quelque chose qui est trop important. Donc la personne, elle va faire son petit voyage, elle va venir voir ses parents et puis elle va repartir. Ça va bien sûr faire plaisir à tout le monde. Et aussi toujours par rapport au bénéfice des liens de parenté, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. الحديث رواه البخاري ومسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit: celui qui aime que sa subsistance s'allonge ou bien s'agrandisse ou soit plus nombreuse et que son temps de vie, hein, sa durée de vie s'allonge, qu'il garde, non, qu'il tisse les liens de parenté, qu'il tisse les liens de familiaux. Et les ulama disent, pour tous les 100 ans, c'est 10 ans. Donc c'est Mittaklebi. Les ulama qui ont parlé sur cela, et ils disent, pour tous les 100 ans, c'est 10 ans. Donc c'est vraiment un allongement. On va comprendre ça comment? Par rapport au qadar, par rapport au destin. Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Donc c'est clair que c'est noté que tu vas vivre, hein, autant de temps, que tu vas vivre mafalan, autant de temps. Parce que le qadr, il est bessurant. Donc le qadr, il est... Le qadr, donc le destin, bien sûr, il est noté. Il est noté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc sur les Lawh al-Mahfoud. Il est noté aussi, donc lorsque la personne vient dans... Lorsque l'ange, justement, vient insuffler Rahim et qui donne aussi l'ajal. Et il est noté aussi annuellement. Hein, l'Aylatul Qadr. La nuit du destin, tout cela vient. Donc il est noté aussi, et aussi le qadr qui est journalier. Donc c'est noté en quatre façons différentes. C'est que bien sûr, même si c'est noté différemment par l'ange, hein, lorsqu'il va venir insuffler cette âme, elle est déjà notée différemment, donc elle sera notée, c'est-à-dire celle qui est notée, en toute vérité, c'est celle qui fait l'Lawh al-Mahfoud. Il est donc, tu me fais noté, l'ange vient noter comme quoi tu vas vivre 90 ans par exemple. Et le fait que tu auras fait ça, tu auras vécu bien sûr 100 ans. Mais c'est écrit, il fait l'Lawh al-Mahfoud comme quoi tu as vécu 100 ans. Donc il y a par rapport à cela une différence. Donc il y a vraiment un allongement. Il y aura vraiment un allongement de ton lit, ce qui a été écrit par l'ange, qui a été insufflé, qui a été donné par l'ange, dans l'argent. Hein, dans l'argent. Quand on dit risque, c'est l'argent, les biens, le nombre d'enfants et la khili. Donc c'est tout ce que tu vas posséder. Et même tes enfants. Et l'âge, bien sûr, donc la durée de vie qui va être allongée, comme l'a dit le ulama, donc pour 100 ans, 10 ans. عن أنس رضي الله عنه قال بابان يعجلان في الدنيا البغي وقطعة الرحم رواه البخاري في أدب المفرد وصححه الألباني رحمة الله عليه. Il dit aussi Anas, toujours dans le même sujet, que deux sujets, donc là c'est deux portes, mais c'est deux sujets importants bien sûr, qui vont s'empresser dans la vie d'ici-bas. Donc ça c'est des choses qui empressent dans la vie d'ici-bas, c'est-à-dire quoi? Son châtiment s'empresse. Ce qui veut dire que c'est son châtiment qui va s'empresser dans la vie d'ici-bas, c'est le bari. Donc le fait, c'est la tyrannie, le fait de causer du tort aux gens, وَقَتِعَةُ الرَّحِيمِ, et aussi le fait de rompre les liens de parenté, le fait de rompre les liens familiaux. Donc le bari, on sait que ça peut être مثلا, donc le fait de causer du tort à qui que ce soit. Et ça peut être donc même le khawarij, ça peut être aussi le bourat et le khawarij, ceux qui sortent contre les gouverneurs, ceux qui donc renient, c'est-à-dire ceux qui rendent mécréants les musulmans qui vont œuvrer, hein, qui vont commettre de grands péchés et qui vont bien sûr donc ne pas reconnaître ne pas reconnaître justement la légitimité des gouverneurs et voient même qu'ils ne reconnaissent pas ces gens-là comme musulmans, donc ils voient l'obligation de sortir contre eux, ne serait-ce que bil lisan, ne serait-ce que par la langue, parce qu'on sort par la langue et on sort par l'épée, et sortir par la langue c'est pire. Parce que par les peu, une fois qu'ils sont en face de toi, tu sais à qui t'as affaire. Donc tu peux, le gouvernement en général, il est souvent plus fort, il gagne. Et c'est pour ça que ça a été prouvé à Kutahel Fittarir que jamais les Khawarij ont pris un seul pays. Jamais les Khawarij ont vraiment gouverné, c'est-à-dire totalement. Même s'ils ont pris, même s'ils ont, on va dire, réussi par exemple en Algérie, trois fois à être imposants. Bon, je parle par rapport à l'histoire, donc par rapport à il y a déjà des siècles. Ils ont jamais totalement réussi à prendre le pouvoir, parce que leurs ambitions ne leur permet pas cela. Et ça, c'est donc parce qu'ils ont souvent perdu, ils ont souvent donc presque disparu, on va dire. Mais il reste après ceux qui sont plus dangereux, ceux qui gardent et ceux qui propagent, et ceux qui justement donc vont propager cette idée-là, cette aqida, donc ce qui est aqida al-khawarij, et qui ont, donc ça ne s'arrête pas à un dogme, ça s'arrête aussi à des actes, à des faits, à des gestes. Parmi les signes de Khawarij, c'est que maintenant, si la femme a ses menstrues, elle va rattraper sa prière. Maintenant, elle va rattraper sa prière. Alors que normalement, la personne, elle ne rattrape pas sa prière parce que son temps a été terminé. Il a été écoulé. On ne peut pas revenir. On ne peut pas, si maintenant elle a eu ses menstrues 5 jours, 6 jours, ils rattrapent leur prière. Et si, entre deux, qu'il peut arriver qu'il y aurait un moment tort, ça peut arriver, elles vont prier toutes les prières. Et d'autres, ils se considèrent aussi parmi ceux-là comme des enfants de zina. Le fait qu'ils disent que leurs parents sont koufars. Donc ce sont les enfants de zina. Donc lorsque leurs parents leur donnent quelque chose, pour eux c'est un butin. Voilà, ils ne le gardent pas. Ils le donnent à quelqu'un d'autre. Donc ils vont loin. Surtout lorsque le khawarij, il y a roulette le khawarij. Ceux qui vont parler comme ça, mais qui ne vont pas œuvrer comme ça, qui ne vont pas avoir ces actes-là. Mais ceux qui ont l'i'tiqad qawi dans cela, donc le dogme, qui ont la conviction ferme par rapport à ce sujet-là, ils vont œuvrer dans ce genre de domaine. Et c'est pour ça que on les voit après le vivre mal. Et sachez qu'en général, ces gens-là sortent facilement de l'islam. Ils sortent facilement de l'islam parce qu'ils ont trop forcé. Celui qui veut forcer dans la religion, d'abord, forcer dans la religion, ça ne fait pas partie de la religion. Sachez que tout ce qui est compliqué dans la religion, ça ne fait pas partie de la religion. Parce que la religion, c'est yusur. Ça, c'est une règle. Et celui qui force dans la religion, c'est la religion qui va bien sûr le battre. Et c'est pour ça qu'après, on ne va plus voir à Koulahès ces gens-là. Donc, on voit que c'est deux choses hein, qui vont. Donc, on a vu la première chose par rapport à le fait de causer du tort, hein, causer du tort aux gens. Donc maintenant, imaginez-vous des bandits de grand chemin, imaginez-vous des gens qui passent leur vie à venir parler sur les gens. Donc le causer du tort, c'est pas spécialement que ce soit physique, ça peut être moral. Donc la morale, elle fait du mal. On peut détruire quelqu'un moralement. On parle sur lui, on parle sur lui, on parle sur lui, on ramène toute une équipe, on parle sur lui, on parle sur lui, on parle sur lui, on passe notre vie comme ça, on le détruit maintenant. Donc on peut le détruire moralement. Donc ça aussi, ça rentre dans le bari. Et après, qata'atu rahim, le fait de rompre les liens de parenté, le fait de rompre les liens familiaux. C'est deux choses dont, justement, le châtiment va venir rapidement dans la vie d'ici-bas. C'est pour ça qu'on voit, on l'a mis comme Jabbar et Shakriya. Il ne sera pas, donc, Jabbar, tyran, et Shakri, malheureux, tout de suite dans la vie d'ici-bas. Il sera, justement, tout de suite dans la vie d'ici-bas. Et Allah, lorsqu'il cite ses prophètes, il dit comme quoi ils sont, justement, obéissants à leurs parents. Ils sont obéissants à leurs parents. Alors, il parle des prophètes et il montre un geste, hein, donc une façon de faire qui est trop importante. Donc, si les prophètes sont justement ceux dont on doit prendre l'exemple. Donc là, on a vu par rapport aux choses qui sont plus importantes, qui permettent d'entrer au paradis. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parle, met le lien entre le paradis et l'acte, donc sachez que le paradis, l'acte, il est trop important. Il est justement à faire. Lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasana. Donc il aura par chaque croyante, une hasana, une bonne œuvre. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati kataba Allahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'mina hasana. Rawahu Tabarani wa hasanahu al-Albani. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui demande pardon à tout croyant et à toute croyante, Allah lui écrira pour chaque croyant et chaque croyante une hasana, une bonne œuvre, hein, une hasana. Imaginez-vous les millions de hasana. Imaginez-vous. Et ça commence de quand? Ça commence d'Adam. Ça commence du premier. Donc c'est âme. C'est pas pour mu'min hay. C'est pas que pour le croyant qui est vivant. C'est aussi pour ceux qui sont venus avant. Et voire même certains savants disent que c'est hatta yom al-qiyama. C'est juste que Yom al-Qiyama. C'est juste que là, donc Yom al-Qiyama. Parce que c'est pour tout croyant, toute croyante. C'est même, c'est général. En tout temps, donc hein, pour tout le monde et à toute époque. Fama ajmala an yad'u al-insan bin maghfira lahu wa li walidayhi wa lil mu'minin wa lil mu'minat al-ahya minhum wa al-amwat. Fa qala ta'ala fi dhikrihi ad-du'a Nuh alayhi salatu wa salam, donc dans une du'a où Nuh alayhi salam dit, donc il cite Nuh, Rabbi ghfirli ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وللمؤمنات. Donc il dit Nuh alayhi salatu wa salam, ô mon Seigneur, pardonne-moi, ainsi que mes parents et ceux qui entrent dans ma maison croyants, et les croyants et les croyantes. Et les croyants et les croyantes. Donc c'est pour tout le monde. Et ça, bien sûr, c'est une dua qui est demandée aux gens, parce qu'on sait que lorsqu'on fait dua et lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour notre frère ou notre sœur dans l'invisible, c'est-à-dire dans le fait que non, le fait qu'elle soit la personne sera absente, donc les anges disent à toi de même. Alors, si tu fais ça pour beaucoup de personnes, à toi de même pour autant de personnes. Donc, tu auras quoi, beaucoup de hasana. C'est quoi? C'est une petite phrase qui est facile à dire. Elle est khafifa, hein, à la lisane, ça. Donc, elle est légère dans la langue. La plus thaqila, fil mizan. Elle va être lourde dans la balance. Elle va être légère dans la langue, lourde dans la balance. Légère, lourde. On voit quoi? Deux opposés. On va retrouver ici, hein, donc, c'est des opposés. Léger et lourd. Facile à dire, donc, normalement, ça pousse les gens à faire le bien. Et lourd dans la balance, encore une fois aussi, ça pousse une deuxième fois à faire justement ce bien-là. Et aussi, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, dit Rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqum al-hisab. Donc, une doa qui est connue, qui est même dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam après les prières. Donc, c'est une doa qui est dite même par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc après les prières, un hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans. Donc, notre Seigneur, pardonne-moi, ainsi que mes parents et les croyants, le jour où les comptes seront là. Les comptes seront bien sûr présents. Donc, c'est Yom al-Qiyamah, c'est le jour dernier. Pardonne-nous. Donc, doa Ibrahim. Et aussi, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a donc vanté les louanges de ses serviteurs, croyants, il a dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Sourate Al-Hashr, verset 10. Ainsi que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a vanté les louanges de ses serviteurs, il dit, et ceux qui sont venus après eux, après qui? Après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après les meilleurs de cette communauté. Ils disent, oh notre Seigneur, pardonne-nous et nos frères qui nous ont devancés dans la foi, et ne mets pas dans nos cœurs de la hantise ou de la jalousie, hein, pour ceux qui ont cru. Et non, comme on voit, beaucoup de gens ont cette hantise et cette jalousie. Hein, justement, parmi eux, Al-Khawarij, parmi eux, Shia, parmi eux, tous ceux qui sont comme eux, tous ceux qui appellent, et on les voit actuellement, les télés, elles en sont pleines. Les télés musulmanes, hein, elles sont pleines justement de ces catégories de personnes qui vont faire croire aux gens qu'ils appellent à la sunna, et pourtant on va les voir critiquer Abu Huraira. On va les voir critiquer spécialement Muawiya. On va les voir critiquer d'autres, hein, d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que bien sûr ces gens-là, parce que ces gens-là ont quoi? Ont de la jalousie. Ont de la jalousie. Un âme, iman. Sachez que chaque personne dont Allah a gracié donc, de quelque chose trouveront des jaloux. Un âme. Sahib, hein, sahib ni'ma yuhsad. Ma fi sahib ni'ma illa huwa wa yuhsad. On ne va jamais voir quelqu'un qui va recevoir un grâce, donc une grâce de la part d'Allah, où il trouvera automatiquement des jaloux. Il trouvera toujours des gens qui sont jaloux de lui. Jusqu'à ce que, et les premiers jaloux, bien sûr, c'est les compagnons du prophète. C'est les premières personnes qui vont être jalousées, c'est les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour ce qui, donc, notre Seigneur, tu es bien sûr donc, le pardonneur, le miséricordieux. Et cela va amener à quelque chose. Va amener à quoi? À comprendre qu'est-ce que ça veut dire wal jama'a. Le sunna wa jama'a. Donc on a vu le tawhid auparavant. On a vu aussi donc le fait d'être, d'avoir un bon comportement. Et là on voit encore parmi les choses qui sont importantes, c'est le fait de quoi? D'aimer la communauté, d'aimer les croyants et les croyantes. Donc les croyants et les croyantes, c'est ceux qui ont, qui quoi? Qui croient comme il le faut, qui œuvrent comme il le faut et qui parlent comme il le faut. C'est eux les croyants. Donc certes les croyants vont être justement, et Allah subhanahu wa ta'ala, souvent il dit innama al-mu'minun. Hein, il explique qui sont, certes, véritablement, qui sont les croyants. Donc, c'est ceux qui vont croire en ce qui est à l'origine invisible. Donc, c'est tout ce qui est amal al-qulub, c'est tout ce qui est acte du cœur, provenant du cœur. Et après, on va le voir, Allah subhanahu wa ta'ala, des fois citer justement les œuvres apparentes les plus importantes, comme par exemple. Et ceux qui ont prié, ceux qui vont donc prier comme il le faut, et de ce qu'on leur octroie, ils donnent. Ils vont quoi? Ils vont faire justement la sadaqa. Donc on a ici salat et zakat mathalan, parmi les œuvres les plus importantes. Et ça, ça rentre dans, toujours dans les bases importantes de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est justement de demander pardon aux croyants et aux croyantes, qui sont bien sûr véridiques, ceux qui connaissent, hein, qui sont, on va demander pardon aux croyants et aux croyantes. Et Allah sait très bien qui sont croyants et qui sont croyantes par rapport à cela. Donc on a affaire justement à quoi? À l'entité dans l'islam. On n'appelle pas Ahl Sunnah wal Jama'a un groupe qui se divise. Si il y a wal Jama'a, c'est parce qu'il est uni. Donc il est uni dans tout. il est uni dans tout. Si il lui arrive un bien, on en est content. S'il lui arrive un mal, ça nous touche. La personne qui n'est pas touchée par le mal de son frère et qu'il n'est pas heureux lorsque son frère lui arrive un bien, qui se pose la question, qui se pose la question justement par rapport à sa foi. À ce moment-là, c'est une personne qui a un manquement dans sa foi. Il faut que à ce moment-là, que la personne... Et on a, alhamdoulilah, on a beaucoup de, hein, de baromètres, de choses qui peuvent nous permettre de savoir si on est bien ou si on n'est pas bien, parce qu'on le sait, parce que chaque personne se connaît à kulli hal. Et on a, alhamdoulilah, dans l'islam, justement, ces baromètres qui vont nous permettre de savoir est-ce qu'on fait partie, justement, réellement, hein, comme il le faudrait, des gens, de la sunna et du consensus par rapport à ce domaine. Donc, c'est un lien, parce qu'on voit, justement, toutes ces choses-là. Et là, on a encore une fois affaire, hein, justement, par rapport, toujours avec ce qui va amener au paradis. Parce que si tu as beaucoup de hasanat, donc c'est le paradis qui va être ta demeure. Les hasanat, elles vont être bien plus nombreuses que les seyyiat. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de hasanat pour chaque croyant, pour chaque croyant. Donc c'est encore une fois un lien avec ce qui va amener au paradis. Aussi, toujours par rapport à celui qui voudrait être donc sauvé de l'enfer. Celui qui veut être sauvé de l'enfer. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Men qala hina yusbihu » اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعطاك الله ربعه ذلك اليوم من النار فإن قالها أربع مرات أعطاه الله ذلك اليوم من النار. الحديث رواه يعني وقال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله عليه السند يعني حسن اسناده حسن. Donc il dit chez Ibn Baz par rapport à ce hadith que sa chaîne de transmission elle est bonne. Naam. Donc ne soyez pas étonné d'entendre que des fois on peut dire hein يعني حسن أو ابن باز رحمه الله عليه comme on va entendre aussi Sahoul Albani. Parce que Ibn Baz aussi c'est un muhaddith. Ibn Baz aussi c'est un muhaddith même s'il a moins vrai que Cheikh Albani par rapport au dossier, par rapport justement à ce sujet, mais c'est quand même aussi un muhadith, c'est quelqu'un qui sait, donc par les recherches, retrouver un hadith de lui-même, de savoir si le hadith il est considéré comme bon ou pas. Donc ça c'est pour celui qui voudrait être donc sauvé, c'est celui qui va en fin de compte sauver son âme de l'enfer. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui dit lorsqu'il se lève, oh mon Seigneur, donc je me suis levé et j'atteste. Donc je te prends comme témoin, et je prends aussi comme témoin ceux qui portent ton trône. Donc regardez, il parle et mentionne. Donc là, il a cité, il a mentionné de qui? Il a mentionné ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'arche. L'arche, justement, qui est donc la créature la plus énorme, la plus importante. C'est-à-dire la plus grande. Celle qui est la plus étonnante comme créature, c'est l'arche. En plus, c'est justement la créature qui est, c'est-à-dire ce que Allah a créé, la plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah est au-dessus de son trône. Ça, c'est un endroit important. Donc, les anges qui sont autour, ce sont les anges les plus proches d'Allah. Et ce sont parmi les anges qui font partie des anges qui sont les plus importants. Ainsi que tes anges et toute ta création, ou bien toutes tes créatures, que tu es toi Allah, donc la ilaha illa ant, seul, sans associé. Et que Mohammed est ton serviteur et ton envoyé. Donc il commence par l'abd, parce que l'abd c'est le plus important, le fait qu'il est d'abord serviteur d'Allah avant d'être envoyé. S'il le dit une seule fois, Allah il va quoi? Il va donc sauver le corps de lui, le quart de son corps, le quart, donc un quatrième de son corps ce jour-là du feu. Et s'il le dit quatre fois, il sera totalement sauvé du feu, il sera bien sûr affranchi du feu. Donc encore une fois, s'il a franchi du feu, vous voulez où il va aller? Donc il va aller automatiquement, Inch'Allah, au paradis, il ne va pas aller ailleurs. Donc c'est ou bien il va aller au feu, ou bien il va aller au paradis. Donc à ce moment-là, s'il sort du feu, c'est pour se retrouver à Kulhel, au paradis. Et toujours parmi donc, les valeurs et les choses qui permettent à la personne d'entrer au paradis, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Ahzab verset 35, إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Donc il dit سبحانه وتعالى certes les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, ceux qui prient, donc les priants et les priants, ceux qui prient, c'est-à-dire les hommes et les femmes, Al-Qanitin, donc c'est ceux qui sont levés, ceux qui sont debout et qui sont concentrés dans leur prière jusqu'à sa parole, subhanahu wa ta'ala, et ceux qui se rappellent abondamment d'Allah, et celles qui se rappellent abondamment aussi, et celles qui se rappellent, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Donc le maghfira va être fil dunya. Et l'ajr, la récompense, va être fil akhira. Donc l'ajr, c'est selon, bien sûr, le maghfira. L'ajr, il sera selon le maghfira. Dont on voit, donc on voit que la croyance, hein, donc le fait d'être musulman, et le fait d'être croyant, le fait de prier, et le fait de se rappeler beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la meilleure façon de se rappeler d'Allah, c'est justement dans la prière, ce qu'on dit. Le meilleur dhikr, c'est celui qui va être dit à kulhal fis salat. Allah va quoi ? Va leur préparer justement ce pardon. Dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, il va leur donner justement la récompense qui est énorme. Et la récompense, elle est selon le pardon et selon l'œuvre. Donc le pardon est selon l'œuvre. Vous voyez qu'il y a, il y a toujours une liaison. L'œuvre, plus elle est donc bien faite, plus le pardon sera grand. Et plus le pardon sera grand, plus la récompense, elle sera aussi à kulhal grand. Tout est lié. Tout est relatif. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim, kalimatan khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ala rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-adim. On peut retrouver dans une variante, donc le où le, il y a le taqdim, donc il y a, on va retrouver avant, c'est-à-dire le, c'est kalimatan habibatan ala rahman, on retrouve cela. Donc, deux paroles qui sont légères dans la langue, donc faciles à dire, lourde dans la balance, aimée auprès du miséricordieux. Donc là, on voit un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux. Donc c'est une preuve qu'il y aura une miséricorde. Donc il y a un pardon derrière, il y a une miséricorde. Et c'est subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Donc ça, c'est lourd hein, dans la balance. Et c'est aussi une preuve que quoi que les œuvres sont pesées. Les œuvres, elles sont pesées dans la balance. Donc là, on retrouve à la fin le résultat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-adim. Et les ulama disent que si ce résultat est venu à la fin, donc pour ceux qui connaissent l'arabe, donc on a quoi ? On a le khabar au début, qui muqaddam. Le khabar, donc l'annonce qui est justement donc le mubtada et muakhar. Parce qu'on aurait pu très bien dire subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-adim, sont des paroles qui sont comme ça, comme ça. Donc le sujet, hein, qui va être reculé, qui est le sujet, donc qui est. Il se retrouve à la fin de la phrase, c'est afin d'attirer les gens. Donc c'est une façon. C'est une, la bonne, donc c'est l'éloquence justement de la langue arabe pour dire que ce sujet-là, on le retrouve à la fin. On explique ce qu'il y a, c'est l'annonce, et après ce sujet-là, on va retrouver à la fin. Est-ce qu'on dit préfixe et suffixe ? Ça a rien à voir avec ça ? Tu sais pas comment on dit ? Donc, là on a toujours quelque chose qui va nous attirer, quelque chose qui va demander à la personne, donc c'est un tarib. Il y a justement une envie qui va être forte, un désir qui va être fort de vouloir justement prononcer ces mots-là pour pouvoir aussi donc avoir quelque chose de lourd dans la balance. Et l'islam justement elle est facile parce qu'on voit que pour l'instant on n'a pas vu des œuvres qui nous demandent de porter quelque chose de lourd, des œuvres qui nous demandent hein, de marcher longtemps, des œuvres qui nous demandent de voyager, des œuvres qu'on peut faire même hein, dans sa chambre, on peut faire même chez soi, on peut faire le matin, on peut les faire même hors, je veux dire, adoration comme les cinq prières et l'akhélihi, rien que quelques paroles, mais la récompense elle reste énorme. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, toujours par rapport au dua, donc, من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة أو مئة حسنة ومحيت له مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل منها مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك. الحديث رواه البخاري ومسلم. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit la ilaha illallah wahdahu la sharika la, donc lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc on connaît que cette doua, c'est la meilleure doua en plus qui est dite yom al-arafa, donc le prophète s'en a dit et tous les compagnons. Imaginez-vous le meilleur jour où les douas sont acceptées, la meilleure doua dans au meilleur jour et même au meilleur endroit en ce moment-là. En ce moment-là, le meilleur endroit, le jour de Arafat, le meilleur endroit, c'est à Arafat. Il n'y a pas mieux que cet endroit-là. Et donc, il n'y a pas meilleur jour aussi que ce jour-là, en ce moment-là. Et il n'y a pas meilleur doua que cette doua-là, en ce moment-là. Donc, on a affaire à un doua qui est fardila, qui est quoi ? Illustre. Donc, celui qui dit ça 100 fois par jour, il aura la récompense d'avoir libéré ou affranchi 10 esclaves. Il aura donc la récompense d'avoir affranchi 10 esclaves. Et on a vu auparavant que celui qui a affranchi sa mère, hein, celui qui a affranchi son parent, a quoi ? A équite envers ses parents. On ne sera jamais quitte envers nos parents que si on avait fait ça. Si tu avais fait ça, tu es quitte. Le fait que tu as fait ça, donc c'est comme si tu n'as plus ce devoir d'obéissance comme tu l'as avant, c'est-à-dire avant de l'avoir affranchi. Donc là, c'est 10, encore plus que cela. 10. Hein? Et tu auras aussi, donc tu seras noté ou tu seras compté sans hasana, te sera effacé sans péché, et aussi ça sera une protection contre Shaitan ce jour, jusqu'à ce que vienne le soir. Jusqu'à quoi ? Ce que vienne le soir, donc jusqu'au coucher du soleil. Et personne ne fera meilleur que cela que s'il y a une personne qui fera, c'est-à-dire comme ça, ou bien plus. Imaginez, tu le dis 150 fois. Tu le dis pas 100 fois, tu le dis 150 fois. Tu le dis 200 fois, donc tu auras le double à chaque fois. Plus tu le dis, plus tu auras. Et bien sûr, ça fait partie toujours, donc la ilaha illallah, ou bien subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, sont les paroles les plus aimées auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sont les paroles qui sont les plus aimées auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, Ma'amila ibn Adam amalan anjalahu min azabin nar min zikrillah. Le hadith, akhrajahu al-Tabarani, wa hassanahu ibn Baz, rahmatullah alayhi. At-tuhur, donc la pureté, ou la purification, est la moitié de la foi. Donc le fait de se purifier, les ablutions, enfin la grande ablution, le fait d'être propre, c'est la moitié de la foi. Alhamdulillah, walhamdulillah, tamla ul mizan. Donc alhamdulillah va, enfin, parce que je suis un hadith qui est auparavant, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fils d'Adam ne commettra pas d'œuvre qui le sera donc plus, qui va plus le sauver du feu, donc du châtiment de l'enfer, que le rappel d'Allah. Il n'y a pas meilleur que le rappel d'Allah pour être sauvé du châtiment de l'enfer. Il n'y a pas une meilleure œuvre que cela. Et le hadith qui était cité auparavant, donc c'était justement donc la pureté ou bien la purification et la moitié de la foi. Alhamdulillah tamla ul mizan. Alhamdulillah va quoi ? Va remplir la balance. Donc on a encore plus. Alhamdulillah. Donc juste ce mot-là. Il va remplir la balance. Wa subhanallah, walhamdulillah. Et subhanallah walhamdulillah, parce que c'est un lien. C'est un lien entre subhanallah walhamdulillah. Souvent on retrouve hein, subhanallah walhamdulillah ensemble. Le lien qu'il y a, c'est que quand tu dis subhanallah, c'est-à-dire que tu es en train de l'innocentrer, tu es en train d'innocenter Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui est manquement et défaut. Et alhamdulillah, tu es en train justement de lui et de tout ce qui est grand, de tout ce qui lui sied lui. Alhamd englobe donc ce qu'on appelle al-mahamid kullaha, va englober tout ce qui est louange. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'Allah est loué, hein, qu'on doit louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le fait que quand tu vas innocenter Allah de tout ce qui est manquement et que tu vas le louer de tout ce qui est illustre et grand, de tout ce qui lui sied subhanahu wa ta'ala, donc on voit que à ce moment-là tu auras compris et tu auras justement adoré Allah subhanahu wa ta'ala avec sa juste valeur, parce que tu l'as innocenté de tout ce qui est manquement et tu l'as affirmé tout ce qui est louable pour lui. Donc c'est un lien. Et donc on voit que cela aussi remplisse tout ce qui est entre les cieux hein, et la terre. Tout ce qui est entre les cieux et la terre. Et sachez que celui qui dit Alhamdulillah, par raison, maintenant, il a mangé, il a bu. Donc lorsqu'il a terminé, ou l'a gorgé, ou lorsqu'il a terminé de manger, il dit Alhamdulillah, donc il a Vahasala. Et celui qui dit Alhamdulillah sans raison, enfin, sans raison au préalable, il le dit comme ça, il marche dans la rue, il le dit, lui il prendra 30 hasanah. Donc on va retrouver un hadith où le prophète dit 20 et l'autre 30. Donc la différence entre les deux, c'est que c'est parce que 20 pourra par raison et 30 sans raison. Donc là, donc on voit que à chaque fois que la personne va dire cela, aura 20 hasanah. Et celui qui dit subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, aura donc 80 hasanah. Et la meilleure des quatre paroles par rapport à cela, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, c'est la ilaha illallah. Il n'y a pas plus lourd que cela, il n'y a pas meilleur que cela, qui soit, mais surtout que cette parole qui soit prononcée. Aussi, parmi les choses qui poussent et qui incitent, c'est-à-dire qui va inciter à entrer au paradis et qui va justement être une opportunité pour nous, c'est Fadur Rahma, les bienfaits de la miséricorde. La miséricorde. فيقول صلى الله عليه وسلم الرحيمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حتى rapporté par Tirmidhi et il est authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah. Donc il dit الرحيمون, les miséricordieux. La personne n'aura pas, ne pourra pas posséder de miséricorde que si elle aime Allah. C'est un lien. Il y a un lien entre la miséricorde et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit, donc il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Et là, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc il a, donc justement il a Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, il cite son amour. C'est-à-dire le fait que la personne doit aimer Allah. Donc, lorsque tu aimes quelque chose, qu'est-ce que tu dis? Tu dis Alhamdulillah. Ça? Donc tu vas dire Alhamdulillah. Et ce qui vient après, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et ça, c'est le miséricordieux. À ce moment-là, tu vas espérer. Tu vas espérer justement Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à sa miséricorde. Tu vas espérer de sa miséricorde. Là, tu vas espérer d'Allah sa miséricorde. Avec quoi? Par justement en usant de cet amour qui est le premier pilier de l'adoration. Sachez que l'adoration, elle possède trois piliers. C'est Al-Hub, hein, Al-Mahabba, c'est-à-dire Hubullah, aimer Allah. Al-Khawf, ou bien Al-Raja, l'espérance, Al-Khawf qui est la peur. Si tu n'as pas ces trois-là dans ton adoration, sache que ton adoration, elle ne sera pas normale. Et Ibn Qayyim rahmatullah alayhi va justement citer, donc va comparer plutôt cette adoration avec un oiseau. Et il dit que les deux ailes sont l'espérance et la miséricorde. Rahma, donc Rahma, hein, ou bien Raja, et qui a à voir avec Rahma, c'est un rapport. Donc c'est le Raja plutôt que le Rahma, mais c'est un rapport, on verra ensemble. On verra ça. Et El Khawf, donc la peur. Mais la tête, c'est El Mahabba. Donc si on coupe la tête de l'oiseau, il meurt. Donc celui qui coupe la tête, celui qui adore Allah sans l'aimer, donc il n'a pas d'adoration. Il n'aura rien du tout. Il n'aura aucune adoration. Il n'aura rien d'écrit pour lui. Parce que c'est-à-dire qu'il n'aura pas adoré. Ce ne sont que des gestes sans. Qui sont que des gestes physiques, mais il n'y aura rien du tout derrière. Et les miséricordieux, donc le miséricordieux donc, qui est à Allah, va justement leur faire miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur cette terre, on vous fera miséricorde. Donc celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de livres parmi les ulama, et surtout Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayhi, qui commence I'lam rahmakallah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Qu'Allah te fasse miséricorde, c'est justement par rapport à ce hadith. Donc il dit cela, pourquoi? Parce que déjà c'est le shir. Le shir, lorsqu'il enseigne, qu'est-ce qu'il fait? Il donne de la miséricorde à qui? À ceux qui écoutent. En ce moment, lorsqu'il va propager cet islam, c'est de la miséricorde qu'il va propager. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va justement l'enseigner aux gens. Et les gens aussi doivent être miséricordieux envers leur shir, c'est-à-dire envers lequel ils doivent bien sûr obéir, envers lequel ils doivent le respect, parce qu'on sait qu'il y a, il y a une place honorable du shir envers l'élève. Envers l'élève. Donc c'est pour ça que Shir Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayhi et d'autres souvent citent au début de leur cours, hein, justement ce hadith. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fait pas miséricorde. Il ne va pas recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'était par rapport à la personne qui disait, j'ai des enfants, mais jamais je les embrasse. On comprend quoi? On comprend que si tu n'embrasses pas tes enfants, hein, alors que comme on dit les gens disent, lorsqu'ils voient un bébé, j'ai envie de le manger, ça là là, hein, j'ai envie de le bouffer, j'ai envie de le manger, alors c'est pas son enfant, alors le père qui vient, qui embrasse pas son enfant, qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qui reste, hein? Alors que normalement, le père, c'est lui qui, ou la mère, ce sont justement ceux qui sont le plus proches, le plus aptes à vouloir être proche de l'enfant, l'embrasser sans arrêt, hein, des dizaines et des dizaines de fois par jour, et lui, il ne le fait jamais. Donc là, on voit que le cœur, il est mort. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a regardé cette personne étonnée. Ta'ajab. Quelque chose d'étonnant. Comment? C'est presque style, ça existe. Hein, si on pouvait dire ça comme ça. Ça existe, ce genre de personne. Il a dit, man la yarham la yurham. Regardez ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne fait pas miséricorde, il a compris que c'était un grand manque de miséricorde de la part de ce père. Il ne n'aura pas miséricorde. Donc il est venu, bien sûr, avec une parole douce. Il ne l'a pas attaqué. Il est venu avec Jawami al-Kalim. Il lui a parlé avec la meilleure façon, afin bien sûr de ne pas vexer cette personne qui est dure, donc qui a besoin en vérité, hein, de comprendre ce que c'est à accueillir la miséricorde. Je continue encore maintenant. On ne le referait plus alors. toujours par rapport à la miséricorde, là aussi on voit donc l'importance, on va parler de l'importance des faibles parmi les croyants et les pauvres. Donc on va parler de l'importance des faibles et des pauvres hein, qui sont dans l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Hal tansurun wa turzakun illa bidu'afa'ikum. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que vous serez vainquant dans le sens où vous allez être vainqueur, vous serez vainqueur, bien sûr avec la grâce d'Allah, avec la permission d'Allah, et vous recevrez de la subsistance que par vos pauvres, que par afwan, vos faibles. Donc c'est du'afakum, hein, donc c'est le du'afa, on retrouve justement par rapport à quoi, donc c'est du'afa wal masakin. C'est qui? C'est du'afa wal masakin. Donc les faibles et les pauvres. Pourquoi les faibles et les pauvres? Parce que ces gens-là, ils n'ont rien, ils ne possèdent rien. Et lorsqu'il demande Allah, il le demande sincèrement. Il n'a rien, lui. Donc il n'a pas de... Il n'est pas mushroul déjà, cela. Il n'est pas occupé. Il n'est pas occupé avec la vie d'ici-bas. Il n'a pas eu l'habitude de gouverner des gens, de commander des gens, et peut-être par ruse. Il n'a pas l'habitude de cela. Donc il n'a rien, donc il est simple. Et c'est même pour ça qu'il va rentrer 500 ans avant donc ceux qui sont riches au paradis. Pourquoi? Ceux qui sont riches ou bien ceux qui ont acheté, vendu, fait ceci, gouverné, il a créé, parce que ces gens-là ont beaucoup de comptes à rendre. C'est pour ça qu'il y a une différence. La différence justement des 500 ans, c'est parce qu'il y a les comptes qui sont à rendre et qui sont longs. Tandis que là, il y a très peu de comptes, que ça va être yassé, ça va être très rapide pour lui. Donc il entrera au paradis. Et c'est aussi, encore une fois, miséricorde d'Allah par rapport à cela. Donc ces gens-là sont importants. Du'afa, al-yatama, al-masakin, tous ces gens-là, parce que leur doigt, le fait qu'ils ont des situations difficiles, alors justement, ils sont faibles à nos yeux, mais forts auprès d'Allah. Ils sont faibles à nos yeux et forts auprès d'Allah, comme le dit Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Il dit que ces gens-là sont forts auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ils sont forts auprès d'Allah. Et c'est pour ça qu'ils reçoivent. Donc on reçoit, nous, notre subsistance, parce qu'il y a les doigts de ces faibles. Donc ça nous fait penser à quoi? Qu'il a une part de ce que tu reçois comme argent, qu'il a une part de ce que tu reçois comme khair, donc donne-lui. Parce que s'il n'y avait pas eux, là, tu ne recevrais pas ce que tu as reçu. Hein? Donc, n'oublie pas, à ce moment-là, leur part, aide-les. Ils te rapprochent d'eux. Ils te rapprochent de leur situation. Pense à eux. Hein? C'est comme on voit maintenant. Donc, c'est pas pour rien que la zakat, elle est venue. Donc, c'est le deuxième pilier, je veux dire, donc, par rapport aux œuvres, par rapport aux choses qui sont physiques de l'islam, après, bien sûr, la shahada. Toujours parmi donc les choses qui vont pousser la personne à entrer au paradis, c'est ifsha us-salam. Donc le fait de propager et de répandre le salut, le salam. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, et il a été authentifié par l'imam Albani, rahmatullah alayhim, inna awla an-nas billahi man bada'ahum bis-salam. Donc les personnes qui sont les plus proches, ou bien les premiers auprès d'Allah, c'est-à-dire dans le sens où celle qui mérite plus d'être auprès d'Allah, ce sont ceux qui commencent les premiers au salut. Qui commencent justement le premier quoi, à saluer les gens. Lorsque tu salues le premier, donc tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es celui qui mérite le plus. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُهُ تَحَابَبْتُمْ إِفْشَوُ السَّلَامِ بَيْنَكُمْ. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc là il jure sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il parle c'est suffisant pour nous pour dire que c'est important, mais là il jure pour encore appuyer, donc pour montrer encore une fois c'est-à-dire il y en a plus dans cette importance. Par celui qui détient mon âme donc entre ses mains, vous n'entrerez pas au paradis que si vous croyez. Et vous ne serez pas croyant ou véritablement croyant que si vous vous aimez. Ne vais-je pas vous montrer quelque chose que si vous le faites, vous allez vous aimer? Donc répandez le salam entre vous. Répandez le salut entre vous. Salam alaikum. Et salam c'est quoi? C'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, donc des fois, saluer, il disait au prophète, salam, donc de dire à ton épouse, donne-lui le salut de ma part. Allah kana yuqrihu bil prophète ou bien même à son épouse, salam. Donc il y a le salam bien sûr qui est important. Donc nous saluons non seulement et on retrouve des règles qui sont de adab, de comportement, mais aussi des règles du salut qui sont donc légiférées dans le domaine du fiqh. Dans le sens où mathalan là il y a une assise. Si quelqu'un venait à entrer mathalan et qu'il dit salam alaykoum, on n'est pas tous obligés de répondre. Celui qui sera plus proche, il peut répondre. Celui qui sera plus proche, il peut répondre à celui qui. Ce qui compte, c'est que la réponse soit venue. Et la réponse, elle est obligatoire. Le salut va être sahar, c'est un droit, mais ça reste quand même sunnah, mais la réponse, elle est obligatoire. Et tant que tu n'as pas répondu au salam de celui qui t'a salué, c'est suspendu. Même 25 ans après, tu devras le dire. Tu lui dois quelque chose, tu lui dois une réponse du salam. Ça reste suspendu, comme l'ont dit certains compagnons, au bout de 3 jours. Alors, quelqu'un avait dit, si tu vois un tel, salue-le de ma part. Donc le compagnon a salué, l'autre lui a dit, donc tu as le salut de la part d'un tel. Et l'autre compagnon lui a dit, si tu ne l'avais pas dit, ça serait suspendu sur toi, au-dessus de toi. Ça serait suspendu au-dessus de toi. Et après, encore une fois, parmi ces règles de salut, c'est justement que le petit salue le grand. Parce qu'il y a une forme de respect. Le grand, on doit le respecter. Ça fait partie de la sunna de respecter la personne qui est plus âgée. Tawqir. Donc le fait de respecter, d'honorer la personne qui est plus âgée. Celui qui passe doit saluer ceux qui sont déjà présents. Celui qui va passer, il y a des gens qui sont assis maintenant ou bien debout stationnés. Celui qui passe, parce que les gens qui étaient là avant lui, donc ils sont les premiers. Il passe, il salue. Celui qui est en monture, il va saluer celui qui n'est pas en monture. Parce que tu es dans ta belle voiture, tu es dans ta belle monture, tu peux très bien avoir. Donc il y a un certain orgueil qui peut venir. Tu peux avoir un certain confort dans certaines voitures qui vont être belles, tu peux avoir un orgueil. Donc c'est pour casser, hein, c'est pour justement casser cet orgueil, ou bien casser ce. Si, Inch'Allah, bien sûr, il n'y a pas d'orgueil, mais casser ce qu'il pourra avoir peut-être comme orgueil, justement, cela par rapport au salut. Ou si le petit nombre salue le grand nombre. Le petit nombre va saluer le grand nombre. Donc il y a des règles. On voit toujours par rapport. Donc c'est un adepte qui a à avoir par rapport au salut. Et celui qui le fait, ben justement, les gens, ils sont contents. Parce qu'on sait bien que si on salue quelqu'un, et qu'on lui dit salam alaikum s'il ne répond pas, ça nous fait mal. Ça va nous faire mal. Mais s'il répond, on est content. S'il ne le fait pas, ça nous touche. Tandis que s'il ne répond, on est content. Et c'est. Donc on va peut-être plus le saluer après. Tu l'as fait une fois, il ne te salue pas. Deux fois. Chaque patience, elle reste restreinte de chaque personne. La personne, elle va laisser tomber le salut. Elle va même après, peut-être même plus même lui détourner le visage. Elle va justement être le contraire de ce qu'il faut, de ce que le prophète s'en a demandé. C'est justement. C'est qu'ils vont se détester. Donc on voit, par rapport à ce hadith, on va prendre le contre-exemple qui est justement que si on fait le contraire, on va se détester. Et ça fait toujours pas partie de quoi? De le sunna wal jama'a. Ça part parce qu'il y a wal jama'a. Si tu es un sunnite, si tu es un salafi, si tu es quelqu'un des gens de la sunna du consensus, tu ne peux pas passer à côté de ça. Si tu passes à côté de ça, c'est-à-dire qu'il y a un manquement, et encore une fois, donc une faiblesse dans ta compréhension de ma'na le sunna wal jama'a. Parce que justement, comme le disait le salaf, les gens de la sunna du consensus sont comme un seul cœur. C'est comme si on avait un seul corps. Et le prophète Sam le dit, bien sûr, dans beaucoup de choses. L'exemple des musulmans dans leur amour et dans le fait qu'ils s'aiment les uns envers les autres sont comme une seule construction, ou bien comme un seul corps. Si un membre a mal, le reste des membres ont mal. Donc on voit que si les gens passent à côté. Donc ça, c'est tout. C'est justement donc des sababs pour que les gens s'aiment. Ou bien, si on ne le fait pas, ça va décevoir pour qu'on va justement se détester. En ce moment, on aura justement un problème par rapport à cela. Et on voit que dans ce hadith, il y a toujours « La tatkhulun al-jannah ». Vous n'entrerez pas au paradis. Donc, il y a toujours un lien avec le paradis. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ibn Majah, il a été authentifié par Al-Albani, rahmatullah alayhim, il dit « Ya yuhannas, ifshaw salam, wa at'imu ta'am, wa salu al-arham, Niyam. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, aux gens, répondez le salut, donnez de la nourriture, dans les habitations maintenant, ou bien aider un pauvre, gardez ou tissez les liens familiaux, priez alors que les gens dorment, donc qiyam al-layl, la prière de la nuit, vous entrerez au paradis en toute sécurité. Vous entrerez au paradis en toute sécurité. Donc non seulement tu rentres au paradis, mais en plus en toute sécurité. Donc, lorsque quelqu'un va quelque part, mais en toute sécurité, donc on voit que ce n'est pas juste le bas du paradis. On comprend que c'est. Non, ce n'est pas juste vous entrez au paradis, mais c'est en toute sécurité. On voit qu'il va bien profiter de hein, des bonnes places du paradis par rapport à cela, en toute sécurité. Donc il dit, il demande quoi? De dire le salut. C'est billisen. Atrimutam. Hein? La personne va faire à manger. Il ne demande pas grand chose. De rajouter un peu plus d'eau, de, hein, si c'est une marga, de rajouter quelques légumes ou quelques morceaux de viande, et de donner à son voisin, ou de donner aux pauvres, ou de, lorsque quelqu'un est venu en voyage, de ne pas le laisser comme ça, dans la faim, de l'aider, de lui donner à manger, alors qu'il est venu en voyage, il a faim, il est fatigué. Garder les liens de parenté, donc tisser les liens familiaux, ça on l'a déjà vu auparavant, et prier alors que les gens dorment. Et prier alors que les gens dorment. Et tout cela, c'est des sabab, hein, tous ces actes-là seront justement des sabab et des causes, des opportunités pour que la personne puisse entrer au paradis. Et aussi toujours par rapport à la récompense d'aider les gens en religion, d'aider les gens dans la religion. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Man sarrahu an yujiallah min kurab yawm al-qiyama wa an yudhillahu tahta arshihi fal yudhil mu'sira. » Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut être content, celui qui veut avoir, c'est-à-dire la bonne annonce, qu'Allah va, ou plutôt celui qui veut être heureux, qu'Allah va le sauver, des affres du jour dernier. Donc, on connaît les affres du jour dernier, ça commence par justement cette chaleur, et qui le couvre donc de son ombre sous son trône. Donc il va le rapprocher de lui, il va le couvrir sur son trône, donc à ce moment-là il y a une protection, qu'il aide celui qui est en difficulté, qu'il facilite celui qui est dans la difficulté. Donc rien que ça, c'est-à-dire que le fait que tu auras aidé une personne qui est dans la difficulté, tu auras comme récompense justement, donc Yom al-Qiyama, c'est-à-dire que le jour dernier tu seras, c'est-à-dire que tes affres seront allégées, voire tu n'en auras pas, et aussi tu seras protégé donc sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire sous son trône, parce qu'on peut trouver dans certains hadiths l'ombre d'Allah, dans d'autres hadiths l'ombre, c'est-à-dire du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si c'est comme ça, si sa situation est telle le jour dernier, alors que dire au paradis? Elle est encore meilleure. Parce que c'est pas possible qu'il y ait une bonne situation et après une mauvaise. C'est pas possible que dans la tombe tout va bien et tu vas en enfer. C'est pas possible. Parce que si tout est quoi en relation. Si ça va pas dans la tombe, donc c'est encore pire dans l'au-delà. Si ça va bien dans la tombe, c'est encore meilleur dans l'au-delà. Toujours par rapport aux bonnes choses, par rapport aux choses qui sont aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui poussent et qui incitent la personne à entrer au paradis, c'est donc les biens, donc le fait que les bienfaits dans la dunya, les meilleures choses qui existent dans la dunya, donc sont le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'œuvre pieuse, la science. Donc le rappel d'Allah, l'œuvre pieuse et la science. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, Ala inna dunya mal'una, mal'unun ma fiha. Illa zikrullah wa ma wala wa alimun wa muta'allim hassanahu al-Tirmidhi wa wafaqahu al-Albani rahmatullah alayhi. Donc le fait de dire que dans la vie d'ici-bas tout est maudit, regardez, ad-dunya mal'una, tout est maudit, ta monture, ta maison, tes habits, tes baskets, ta montre, tes portables, tout ce que tu veux, tout ça c'est maudit. Mal'unun ma fiha. Donc, tout ce qu'il y a sur cette terre, tout ce que tu vois à côté de toi, le super immeuble, donc les super voitures, un super stade, tout ce que tu veux, tout ce qui va attirer l'œil de la personne, des beaux habits, sont maudits. Sauf le rappel d'Allah et ceux qui en découlent, c'est-à-dire celui qui fait cela, et un savant et celui qui apprend sa religion. Donc le savant et l'élève. Le savant et l'élève. Alimun wa muta'allim, celui qui apprend. Le savant et celui qui apprend. Donc, tout cela, on voit quoi? On n'a qu'une chose dedans. C'est l'ilm par le rappel. C'est l'ilm par le rappel. Il y a quelque chose d'autre, il n'y a rien. Il y a le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah, il se fait par son ilm. On a appris. Et après, on s'est rappelé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'ilm, lui-même, c'est le rappel d'Allah. Et les assises, ce sont les rappels d'Allah. Donc, tout est maudit, sauf l'ilm. Tout est maudit, sauf quoi? L'ilm. Donc, d'où, justement, la haute valeur du ilm. Et aussi, toujours par rapport aux choses qui poussent et qui incitent la personne à aller vers le paradis, donc où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah » Donc celui qui emprunte une voie dans la recherche d'une science, Allah lui facilite la voie vers le paradis. Il lui facilite. À partir du moment que la chose est facile, donc tu y arrives. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Salaka tariqan. Donc il a pris la voie, il a voyagé. Il ne faut pas qu'il croie que c'est le savant qui va venir vers lui. Ça lui d'aller vers la science. Donc ça lui de prendre cette voie, prendre la voie de la science. Et aussi, parmi les choses qui amènent justement la personne au paradis, c'est le fait de dire sallallahu alayhi wa sallam, donc salat al-Nabi, le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a qu'il sallallahu alayhi wa sallam, man salla alayya thlathan sallallahu alayhi asha marrat wa bana lahu baytan fil jannah. Le hadith sahaw al-Baraoui rahmahullah fi sharh sunnah. Donc c'est un hadith qui est authentique par l'imam al-Baraoui rahmahullah dans sharh sunnah. Donc c'est un hadith qui parle ce livre là, c'est un livre qui mentionne donc justement le tawhid ou le manhaj. Lorsqu'ils sont rassemblés, sont divisés. Lorsqu'ils sont divisés, à Kulhaid, ils sont rassemblés. Donc celui qui prie sur moi trois fois, donc Allah lui prie sur lui dix fois, c'est-à-dire Allah va lui pardonner, hein, donc dix fois, et va lui construire une maison au paradis. Donc si Allah te construit une maison au paradis, c'est-à-dire que tu vas y vivre. C'est ta maison au paradis, donc tu vas y demeurer. C'est une preuve que tu y seras. Si tu as construit une maison au paradis, c'est-à-dire que c'est une preuve que tu y seras. Toujours en conditionnant les actes que tu fais. Attention. C'est pas que tu dis cette parole et que tu fais à côté des choses qui sont pires que ça, des choses qui vont peut-être annuler justement cela. Donc c'est toujours Makana alayhi min amal. Ou Makana min al-amal. Min amal. Et toujours la même chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith qui est authentique, qui est bon, rapporté par Tabarani, Man salla alayya hina yusbihu ashran. Donc celui qui prie sur moi 10 fois au lever du matin, donc au lever, et au soir 10 fois, donc je vais intercéder pour lui le jour dernier. Je vais intercéder pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il intercède, donc c'est pour que la personne se retrouve au paradis. Et l'intercession, elle va ramener quoi? Elle va être sous plusieurs formes. Première forme, c'est que tu entres au paradis, biré les hiseb. Tu vas rentrer au paradis sans compte. Voilà azab. Et sans châtiment. Ou, il y a les autres intercessions qui vont être aussi. Donc, le premier type, le deuxième type, ou la deuxième catégorie d'intercession, c'est que tu seras au paradis, mais simplement l'intercession va te permettre de t'élever en degré. Tu méritais, maintenant, on va dire le niveau 20, c'est un exemple, et en réalité, tu te retrouves au niveau 40. Donc, tu t'es élevé en degré par l'intercession. Ou, il y a l'intercession que tu devais entrer en enfer, tu n'y entreras pas en enfer, donc tu iras directement au paradis. C'est-à-dire que la personne devait séjourner un certain moment en enfer, mais elle ne va pas y aller, elle va aller directement au paradis. Ou bien la personne devait rester un certain nombre de temps en enfer et son temps sera allégé. Il va y aller, mais très peu. Donc voilà les types d'intercession qu'il y a. Donc on va s'arrêter là. Donc le sujet, on pourrait continuer sans arrêter parce que le livre d'Akhli est long. Donc si on a l'occasion de revenir, Inch'Allah, parce qu'il me reste une semaine, on verra. On continue encore un petit peu comme ça, de se rappeler justement des bonnes choses afin de voir qu'est-ce qui va nous pousser justement à rentrer au paradis. Fabarakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.